une histoire qui a pour lieu la haute Ardèche de nos aïeux. 1242, c'était le temps moyenâgeux. Des apothicaires anonymes, spécialisés dans les racines, vous fourniront de la résine pour les siècles à venir. Il est venu le temps de vous dévoiler le secret des plantes vivaces dans la pharmacopée de la ferme d'à côté, de nos voisins, sur le plateau de Haute-Ardèche. Des rhododendrons soulagent les boutons, l'épine de rose pour l'ostéoporose. Les feuilles que l'on fume sont bonnes pour le rhume. Les fleurs d'abricotier assèchent la diarrhée. Et la tige d'asperge redresse bien la verge. Et un bon cornichon arrondit les talons. Mange un peu de fenouil si tu as la gratouille. Pour la mauvaise haleine, sniffe la marjolaine. Le jus de farigoule désengorge les boules. Contre l'hémorroïde, la feuille de rhodoïde. Et maintenant qu'on a presque oublié de ces choses presque oubliées, que l'ami José Bové aime remplacé par des OGM. Et pourtant là-haut sur le plateau, les herbes existent encore et encore au milieu des abeilles qui nous piquent les choses et peuvent nous en apporter, nous apporter tant de choses, tant de bienfaits. Je te promets, je t'en ramènerai. Des rhododendrons soulagent les boutons, l'épine de rose pour l'ostéoporose. Les feuilles que l'on fume sont bonnes pour le rhume. Les fleurs d'abricotier assèchent la diarrhée. Et la tige d'asperge redresse bien la verge. Et un bon cornichon arrondit les talons. Mange un peu de fenouil si tu as la gratouille. Pour la mauvaise haleine, sniffe la marjolaine. Le jus de farigoule désengorge les boules. Contre l'hémorroïde, la feuille de rhodoïde. Mais faut pas croire que l'on peut rien y faire, car dans la vie y a toujours à faire. Tiens bien ma main, nous irons tout là-haut chercher des fleurs ou des coucoulicous. Et puis tant si, puis si, on se moque de nous. Moi je m'en fous, j'écrirai jusqu'au bout. Les rhododendrons soulagent les boutons. L'épine de rose pour l'ostéoporose. Les feuilles que l'on fume sont bonnes pour le rhume. Les fleurs d'abricotier assèchent la diarrhée. La tige d'asperge redresse bien la verge. Un bon cornichon arrondit les talons. Un jeune peu de fenouil si tu as la gratouille. Pour la mauvaise haleine, sniffe la marjolaine. Le jus de farigoule désengorge les boules. Contre l'hémorroïde, la feuille de rhodoïde. Si tu as mal aux dents, tu peux sucer un gland. Avaler des noyaux remplace une radio. L'hernie du testicule se soigne avec des blettes. Emploie la renoncule si un jour on t'embête.